Chapitre 2e. Si la race nègre est la principale victime de la traite égyptienne, elle est malheureusement loin d'être la seule. Dans un précédent travail, j'essaie de reproduire la physionomie étrange et fort peu connue d'un des plus grands peuples africains, les Gala, qui occupent les vastes territoires compris entre l'Abyssinie et l'Équateur. Ce peuple est du même sang que le peuple abyssin. Les traits du visage, les habitudes, les instincts, les aptitudes intellectuelles sont absolument les mêmes. La seule différence appréciable est celle de la couleur qui tient à des circonstances physiologiques et historiques dont je n'ai pas à m'occuper ici. Le développement de la traite chez les Gala a tenu à des causes fort différentes de celles de la chasse aux noirs le long du Nil. Les Gala sont une race foncièrement guerrière et les faciles vainqueurs des malheureux riverains du fleuve Blanc sont trop prudents pour rien tenter à coups de fusil contre ce peuple indomptable. L'idée de faire une razzia sur les côtes de Sicile ne leur paraîtrait pas beaucoup plus extravagante que celle d'envahir main armée ces pays inconnus et redoutables à tous les titres. On a trouvé plus aisé et plus sûr de faire des Gala à eux-mêmes, les agents inconscients de leur dépopulation, et voici comment on y a réussi. Quelques tribus Gala vivent à l'état de clans républicains, mais l'esprit militaire a chez d'autres amené la création de royautés qui ont toutes les prétentions despotiques des autocraties plus civilisées. Les rois Gala n'ont pas de budget, ils n'ont pas, comme un certain pays d'Orient, un large patrimoine qui les fasse vivre. Ils ne peuvent guère thésauriser sur le butin fait en campagne, car il faut le distribuer aux guerriers. Ils doivent donc recourir à des ressources extraordinaires, et c'est la traite des enfants qui les leur fournit. Les uns, les plus francs, perçoivent un impôt d'enfant dans toutes les familles. D'autres arrivent au même but par des amendes frappées en punition de délits plus ou moins réels, et c'est en enfant que l'amende se solde. Tel chef est soupçonné de conspirer contre le prince, soupçon absurde dans un pays où quiconque veut s'emparer du pouvoir n'a qu'à monter à cheval et appeler ses fidèles. Vite on saisit les enfants du suspect et ceux de ses proches, et le fait paraît si naturel qu'il n'en résulte aucune révolte. Ces malheureux sont vendus par troupeaux, à vil prix et à denier comptant, aux marchands du Nord qui viennent chaque année faire une tournée dans les royaumes Gala, en ayant soin, bien entendu, d'éviter les territoires républicains où ils n'ont aucune affaire de ce genre à tenter et où ils sont appréciés comme ils le méritent. Ces marchands sont abyssins pour la plupart et musulmans. On les appelle Djiberti, nom qui a fini par s'étendre à tous les musulmans d'Abyssinie, flétrissure assez juste, infligée à un culte qui permet et encourage cette infâme industrie. Les marchands qui achètent les jeunes Gala sur place ne sont jamais les mêmes que ceux qui les emportent en pays musulmans. Il y a certains marchés spéciaux, comme Fadassi et Rogué en pays Gala, et Bassos sur la frontière sud d'Abyssinie. Dans la province de Kodjam, où la marchandise est livrée à des Djiberti qui doivent la transporter à travers le territoire abyssin, ce qui n'est pas sans difficulté et sans danger. L'une des plus honorables singularités du peuple abyssin, c'est que dans un milieu dont l'esclavage est la loi normale depuis des milliers d'années, il est, par tradition politique et religieuse, foncièrement opposé au trafic des esclavagistes. Le code abyssin a des peines draconiennes contre le commerce des esclaves, et feu Théodore II les appliquait avec rigueur. Aussi, les douanes abyssiniennes étaient-elles toujours la terreur des Djiberti, car ils y étaient soumis à une inspection sévère, et leurs victimes étaient interrogées une à une et invitées à déclarer si c'était de gré ou de force qu'elles faisaient partie de la caravane. Si elles disaient la vérité, elles étaient mises à part, et des mesures étaient prises pour les rapatrier. Aussi, pour les empêcher de parler, les Djiberti avaient-ils soin de remplir la cervelle de ces pauvres enfants de contes absurdes. On leur disait que les chrétiens ne voulaient les prendre que pour les engraisser et les manger. Contes qui réussissaient d'autant mieux que les marchands d'esclaves l'ont accrédité depuis des siècles peut-être dans toute l'Afrique, où l'histoire des chrétiens cannibales est un article de foi encore plus enraciné que celui des hommes à queue. Ce danger passé, on pénétrait dans l'intérieur pour gagner le territoire turco-égyptien soit par le marché de Galabat, soit par le port de Massaoua. Mais les périls renaissaient dans les provinces centrales, surtout dans celle qui formait le domaine héréditaire de Théodore II. Là, les Ghiberti avaient créé quelque chose d'analogue à ce qu'avaient fait, dans une intention diamétralement opposée, les abolitionnistes américains qui favorisaient la fuite des esclaves vers le Canada. C'était une route souterraine, ou, pour parler plus clairement, une série de dépôts clandestins, sous terre ou sous bois, échelonnés entre Gondar et Galabat, tenus par des musulmans, et où les convois d'esclaves étaient soigneusement enfermés pendant le jour. Ils ne passaient d'un dépôt à l'autre que pendant la nuit. Les marchands qui se faisaient prendre en flagrant délit avaient pour minimum de peine le poignet droit coupé. À côté de ce commerce, il ne faut pas omettre une source encore plus criminelle de profit pour les Ghiberti. C'est le vol d'enfants ou d'adolescents, ce que les Anglais appellent « kidnapping », expression originale sans analogue dans les autres langues européennes. On a partout, même dans l'Europe civilisée, des vols d'enfants. Mais ce sont là des crimes isolés, tandis que dans l'Afrique orientale, ils constituent un appoint considérable à la traite. La pratique la plus usuelle des kidnappeurs consiste à s'embusquer près des villages et à guetter les enfants qui viennent puiser de l'eau ou chercher du bois mort. Les victimes de ces infâmes surprises sont emportées au galop jusqu'à la caravane qui campe dans les environs et qui s'empresse de détaler et de quitter le district pour ne pas être atteint par la population indignée. Le manque absolu de solidarité entre les divers petits états des Galas permet aux bandits de se trouver en sûreté dès qu'ils ont mis 10 ou 12 lieues entre eux et le théâtre de leurs crimes. Les enfants ainsi achetés ou volés sont dirigés sur Galabat et sur Massawa. Il est difficile de se faire une idée approximative du chiffre d'esclaves fourni par le premier de ces deux points. Galabat est un état à peu près autonome, fondé par des Noirs émigrés du Darfour, qui vivent assez tranquillement en payant tribut à l'Égypte et à l'Abyssinie. On n'y tient aucun registre des ventes, de quelque espèce que ce soit, et les caravanes qui s'y approvisionnent se séparent un peu plus loin pour se diriger sur Khartoum, sur Sawakin et même sur Sennar. Les esclaves provenant des pays Galas sont connus dans tout l'Orient sous le nom d'Abyssins, Abéchi. Les Abyssins proprement dit, c'est-à-dire les sujets chrétiens du Négus, ne constituent peut-être pas la 200e partie de la masse d'esclaves ainsi abusivement dénommée. La jeune esclave abyssinienne, dont Lamartine nous a laissé un ravissant portrait dans son voyage en Orient, n'était évidemment pas autre chose qu'une gala. Les Égyptiens et en général les Arabes, quoique peu accessibles aux préjugés de race ou de couleur, préfèrent beaucoup aux Noirs ces pseudo-abyssins des deux sexes, très supérieurs aux Soudaniens comme intelligence et comme beauté. Du marché de Galabat, les esclaves sont dirigés sur l'Égypte par le marché moins important de Guédaref, centre d'un très vaste commandement arabe qui embrasse un quart de la Nubie et dont le titulaire est une sorte de roi du désert nommé Oued Abou Sin, le fils de l'homme à la dent, grand chasseur et pourvoyeur d'esclaves pour son propre compte et pour celui du gouvernement égyptien. À Guédaref, le courant se scinde. Une partie s'écoule vers Khartoum, dont la population de plus de 30 000 âmes, enrichie par la traite des nègres, absorbe pour ses harems une masse considérable de jeunes filles galas. L'autre partie est dirigée sur la ville de Kassala et descend lentement vers le Caire par la voie de Berbère et d'Assouan. Il n'est aucun voyageur qui, ayant suivi cette route, aujourd'hui très fréquentée, n'ait rencontré quelqu'un de ces longs convois composés en très grande partie de jeunes filles et de petits garçons, les premières juchées sur des chameaux, les secondes trottant tout nus dans le sable et sur les rochers, avec l'insouciance apathique de leur âge et de leurs conditions nouvelles. Pour ne pas violer trop ouvertement le firman d'abolition de 1856, les marchands trouvent prudent de ne pas entrer dans les villes et de camper pendant quelques jours dans les banlieues, avec la connivence des hauts fonctionnaires qu'ils achètent par des cadeaux en argent ou en esclaves. Les acheteurs, prévenus dans les bazars et par des avis publics, se rendent au campement et s'y approvisionnent à leur aise. Lorsque la complicité des pachas et des mudirs devient trop scandaleuse, on donne une satisfaction telle quelle à la morale en poursuivant à grand bruit un sujet européen coupable de quelques minces contraventions, et l'on atteint ainsi un double but, celui d'avoir l'air de faire observer la loi, et celui de faire croire aux ingénus que ce sont les Européens seuls qui la violent. C'est du reste de l'hypocrisie bien gratuite, car il n'y a pas entre le Caire et le Soudan de surveillance sérieuse possible. Il ne faut pas l'attendre de quelques commerçants à qui on a eu tort de confier des titres d'agent consulaire comme ce négrier à la Lille Chami dont nous avons parlé plus haut. Malgré les longueurs et les dangers de cette route du Nil, elle verse à l'Égypte tout autant d'esclaves que la mer Rouge qui a les ports zanzibariens d'une part et de Sawakin et de Massawa de l'autre. Négligeons ici le premier de ces ports, qui n'a pas grande importance en fait de traite. À Massawa, bien que la France et l'Angleterre y aient été représentées pendant longtemps, la duplicité des autorités musulmanes, aidée en cela par l'esprit d'une population fanatique, vicieuse et abrutie, réussissait plus ou moins à cacher aux consuls l'activité de la traite qu'elle protégeait, et ses agents devaient recourir à une contre-police qu'ils étaient obligés de surveiller elle-même la première. L'homme qui a le plus fait dans cette région contre l'esclavage a été connu et dépeint par tous les voyageurs qui ont passé à Massawa depuis 20 ans. C'est un grand vieillard maigre et maladif, ancien novice d'un couvent d'Italie nommé Raffaele Baroni et agent britannique dans ce port. La haine de l'esclavagisme était chez lui une véritable passion, et il était certainement désintéressé. Il était la terreur des Kamaïkans de Massawa dont il connaissait à fond tous les scandales publics ou privés, et il profitait de cet ascendant pour les forcer à sévir contre les marchands d'esclaves, qui se croyaient d'autant plus en sûreté qu'ils avaient acheté fort cher la complicité de ses fonctionnaires. C'est ainsi qu'en 1861, il obligea le Kamaïkan Pertiou Effendi à faire saisir un convoi d'une quarantaine de galas des deux sexes, qui furent déclarés libres et placés dans diverses maisons particulières, en attendant qu'ils fussent assez grands pour disposer d'eux-mêmes comme il leur plairait. Malheureusement pour ses enfants, M. Baroni vint à mourir, et le vice-consul de France fut appelé à un autre poste. Pertiou trouva l'occasion bonne pour faire, sans bourse déliée, une razzia de ses petits malheureux. Ce qu'il a fait de ses enfants, qu'on nous dispense de le dire. Il est vrai que tout autre gouverneur turc eût agi de même à sa place. Ce serait ici le moment de parler de la traite dirigée contre les Abyssins proprement dite, traite dont M. Berliou n'a pas parlé, et qui s'est d'ailleurs réduite jusqu'ici à quelques tentatives isolées. Les musulmans égyptiens et nubiens apprécient trop la beauté de la race abyssine pour ne pas avoir jeté depuis longtemps un œil d'envie sur ce pays de 4 millions d'âmes qui pourrait devenir un si beau théâtre de chasse à l'homme pour les croyants. Malheureusement pour eux, il n'y a pas seulement des jeunes filles et des enfants en Abyssinie. Il y a aussi des guerriers qui font sur les soldats du vice-roi une impression de terreur que nous trouverions puérile s'il n'était expliqué par des faits récents. Il y a 30 ans, Mehemet Ali, voyant cet empire dévasté par la guerre civile, crut l'occasion favorable pour l'annexer à la Nubie, à laquelle il venait de donner Khartoum pour capitale. Les Égyptiens, pleins de confiance dans la supériorité d'armement et de discipline qui les avait fait triompher des Turcs et des Wahhabites, annoncèrent hautement qu'ils allaient changer en écurie les églises de Gondar. Ils se heurtèrent, sur les bords de l'Atbara, contre une véritable croisade qui les extermina en quelques heures. La leçon profita, et pendant 25 ans, on n'osa rien entreprendre contre un pareil nid de guêpes. Ce qui démoralisait le plus les Égyptiens, ce n'était pas la crainte de la mort, c'était l'usage barbare de mutiler les ennemis tués ou prisonniers, empruntés par les Abyssins aux Galas, et qu'ils ignoraient avoir été abolis par Théodore II. Des procès ridicules en divorce, perdus par de malheureux soldats qui avaient été relâchés après la bataille de l'Atbara, avaient produit l'effet le plus fâcheux sur le moral des troupes. En 1863, le gouvernement égyptien voulut profiter de guerres intérieures de l'Abyssinie pour reprendre les projets de Mehemet Ali et de nombreux corps d'armée, infanterie noire et cavalerie indigène, furent accumulés à Khartoum et à Kassala. Mais au moment décisif, on n'osa point entrer en Abyssinie. Le pacha se contenta d'encourager d'abominables razzias sur des villages désarmés de la province du Dankar. ces razzias produisirent quelques centaines de victimes, femmes et enfants, qui furent mises en vente au marché de Guadarèfe et éparpillées dans toutes les provinces voisines. Ces profits stimulant les chefs égyptiens, on ne sait ce qui fut arrivé sans une catastrophe qui vint fort à propos pour l'Abyssinie. La garnison noire, entassée à Kassala, n'étant point payée depuis des années, s'insurgea, massacra ses officiers, saccagea la ville, égorgea la plupart des commerçants, et fut elle-même taillée en pièces quelques semaines plus tard par les troupes fidèles arrivées en toute hâte de Sawakin. Tout ce qui échappa au massacre fut vendu comme esclave. Les désastres de cette révolte soldatesque, arrivée en juillet 1865, ont été vite réparés. Mais rien n'a paru depuis menacer sérieusement la liberté du peuple abyssin. L'Angleterre a sagement et honorablement décliné en 1868 toute action commune avec le vice-roi. Aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'une surprise n'amène une armée égyptienne de Khartoum à Gondar en 3 ou 4 mois. Mais quelles que puissent être les vues particulières du vice-roi, ses représentants civils ou militaires en Nubie n'ont aucun intérêt à tenter cette redoutable conquête. Les Abyssins, vaincus et convertis à grands coups de fouet, ne pourraient plus, d'après le Coran, être réduits en servitude corporelle. Il y a bien plus de profit à rassembler des troupes sur leurs frontières et à razzier inopinément les villages chrétiens, tactique qui a été si lucrative à Moussa Pacha de 1862 à 1864. Il n'y aurait de péril sérieux pour le peuple abyssin que dans le cas où quelques capacités militaires européennes se mettraient à prix d'argent au service des cupidités du vice-roi pour créer un nouveau terrain de chasse à l'homme et détruire le seul peuple chrétien d'Orient qui ait maintenu sa liberté et sa foi dans un milieu dégradé par l'islamisme. Il y aurait là un abominable crime sur lequel nous ne voulons pas même arrêter notre pensée. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que l'Europe, mal informée, verrait la chose avec assez d'indifférence. En résumé, le contingent de la traite en pays abyssin est jusqu'ici heureusement très faible. En temps ordinaire, il se réduit à des enfants volés par des djibertis de passage par le procédé que j'ai déjà exposé. Une note trouvée dans les papiers du consul Baroni porte le chiffre des enfants chrétiens volés de la sorte à 100 pour une année. Entre septembre 1844 à septembre 1845, nombre encore trop considérable assurément. Une coutume qui avait force de loi permettait au consul de les réclamer comme coreligionnaires et de les faire mettre en liberté. Les précautions spéciales que les marchands étaient obligés de prendre, les complicités qu'ils devaient s'assurer pour trafiquer de cette denrée compromettante, les mettaient entièrement à la merci des gouverneurs, qui faisaient de gros bénéfices sur cet article. Quelques-uns même achetaient pour leur compte tous les esclaves de cette provenance et les revendaient directement pour l'Arabie. Il y eut de ces vols qui amenèrent de sanglantes conséquences, comme celui d'un neveu de Welda Jaber, gouverneur de Hamazen en 1849. L'oncle avait commencé par réclamer l'enfant au caïcaman de Massaoua, mais celui-ci l'avait déjà fait vendre à Djeddah, et le fier abyssin, réduit à se faire justice lui-même, descendit dans les basses terres, tua tous les sujets musulmans qu'il y trouva, réduisit Massaoua aux dernières extrémités et rentra dans ses montagnes chargées de butin. C'est la razzia qu'a raconté ici même en 1850 M. Vessière, témoin oculaire très véridique, mais qui, ignorant la cause de la légitime irritation des Abyssins, les croyait animés du seul désir de pillage et n'a pu se défendre d'un peu de partialité contre eux. On peut évaluer à 1200 âmes le chiffre annuel des esclaves qui passent par le port de Massaoua, mais ce chiffre est loin de représenter tout le produit de la traite dans la zone voisine de cette ville. Les tribus musulmanes soumises à l'Égypte font sans cesse, contre les populations libres cantonnées au pied des montagnes d'Abyssinie, des incursions encouragées par les autorités égyptiennes et dont les produits s'écoulent dans l'intérieur ou se vendent par petites troupes sur le marché de Kassala. Aussi, les chiffres d'ensemble sont-ils très difficiles à établir, même approximativement. Les montagnards, il est vrai, se vengent parfois, et nous avons presque assisté en 1860 à un drame de ce genre qui s'est passé tout près de Kassala. un homme de la tribu musulmane de Terafa, ayant épousé une femme de la nation païenne des Bazen, avait eu la lâcheté de garrotter un parent de sa femme qui était venu chez lui comme hôte et l'avait vendu comme esclave. Son beau-père était descendu de la montagne pour venir lui adresser des réclamations dont le coupable n'avait tenu aucun compte. Sa femme lui avait donné à cette occasion un conseil bizarre. « J'ai vu sur le visage de mon père quelque chose qui me fait croire qu'il ne pardonnera pas ceci. Donc, s'il ne le tue pas cette nuit, il te tuera. » L'homme avait haussé les épaules et le vieux montagnard était parti. Quelques nuits plus tard, un fort parti de Bazen armé envahit silencieusement le village des Terafa. Devant chaque toukoul, c'est-à-dire chaque case, trois guerriers se mirent la lance au poing, un restait à la porte, les deux autres entraient. On entendit quelques cris étouffés dans les cases, et au bout d'une heure, les Bazen partirent aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Ils n'avaient pas laissé derrière eux une âme vivante.